La première épître de Pierre. Quelque temps avant sa mort à la croix, le Seigneur Jésus a dit à son disciple Simon-Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Luc 22, 31 à 32. Peu après, Pierre a renié son maître. Expérience amère où, criblé par Satan, le disciple a succombé à la tentation. Mais, quelques semaines plus tard, Pierre est un autre homme, un homme transformé. Il commence à vivre l'exaucement des prières de son maître. Lorsqu'il prêche l'évangile aux foules réunies à la Pentecôte, 3000 personnes se convertissent. Pierre propage la foi partout en Palestine et même au-delà. Pourtant, la dernière phrase citée tout à l'heure n'a pas encore pleinement trouvé sa réalisation. Jésus-Christ avait dit à Pierre « Et toi, affermis tes frères ». C'est beaucoup plus tard que Pierre sera véritablement employé par Dieu pour affermir ses frères. Car les deux épîtres qu'il écrira à la fin de sa vie vont édifier des millions de frères, c'est-à-dire les innombrables croyants de l'Église universelle à travers les siècles. La première épître de Pierre s'ouvre par les mots. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Qui sont-ils, ces étrangers, établis dans les provinces d'Asie mineure? C'étaient des Juifs de la dispersion, installés sur les rives de la mer Noire et de la mer Égée, et sur les hauts plateaux de l'Anatolie. Beaucoup d'entre eux avaient probablement été gagnés à l'Évangile par le ministère de Paul, lorsqu'il avait parcouru ces contrées. Et Pierre, que l'on considérait à juste titre comme l'apôtre des Juifs, alors que Paul était celui des païens, s'intéressait à ses compatriotes chrétiens établis à l'étranger. Aussi est-ce très compréhensible qu'il ait éprouvé le besoin de leur écrire, apportant en quelque sorte un complément aux exhortations verbales et épistolaires de Paul. Il ne faut pas supposer qu'il y avait une rivalité entre les deux grands apôtres, Paul et Pierre. Au contraire, ils travaillaient d'un commun accord à l'œuvre du Seigneur. Si, lors d'une rencontre mémorable dont nous parle le deuxième chapitre de l'Épître aux Galates, Paul avait dû résister à Pierre et prendre position pour la sauvegarde de la saine doctrine, cela ne veut pas dire que les deux apôtres s'étaient alors séparés en maintenant chacun leur point de vue. Au contraire, Pierre avait compris le bien fondé de l'intervention de Paul. Preuve en est ce qu'il écrit dans sa deuxième épître où il montre son unité de vue avec Paul. Exhortant les chrétiens à la patience, il ajoute « Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui était donnée. » 2 Pierre 3,15. Les divers ministères des apôtres se complétaient, tout en ayant chacun un caractère défini. Ainsi, on a dit que Paul était l'apôtre de la foi, Jacques celui des œuvres, Jean celui de l'amour et Pierre celui de l'espérance. Effectivement, la note de l'espérance domine l'ensemble des écrits de Pierre. Au début de sa première épître, il déclare « Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. » 1 Pierre 1,3. Puis il exhorte les croyants à vivre dans la certitude des réalités éternelles. « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre 1,13. Plus loin, il ajoute « Croyez en Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » 1 Pierre 1,21. Les convictions des croyants reposent sur des bases solides. Pierre exhorte donc ses frères à rendre courageusement leur témoignage. « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3,15. La première épître de Pierre date vraisemblablement de l'an 65. C'était l'époque où l'empereur Néron accusait les chrétiens d'avoir incendié Rome et où la persécution faisait rage partout. Pour ces enfants de Dieu exposés à la torture, le rayon lumineux de l'espérance chrétienne ressortait d'autant plus sur le fond de leurs sombres circonstances. Dans sa lettre, l'apôtre mentionne à diverses reprises les afflictions et les souffrances des chrétiens. En voici deux exemples. Chapitre 1, verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Puis, chapitre 4, versets 12 à 13. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » S'il fallait résumer le message de la première épître de Pierre, nous pourrions donc dire « espérance dans la souffrance ». Il faut parfois la fournaise de l'épreuve pour découvrir les réalités de la gloire future. C'est un message approprié à nos besoins aujourd'hui, car les afflictions et les tribulations sont le lot quotidien de combien de membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. Dans l'affliction, découvrons donc l'espérance vivante en notre Seigneur dans sa gloire future. La lecture de la première épître de Pierre sera pour chacun de nous un véritable tonique spirituel. Pierre aborde beaucoup de sujets dans ces cinq chapitres. La grâce de Dieu, la croix de Christ, la sanctification et la sainteté dans la vie du croyant, dans la famille chrétienne et dans l'Église. Mais il revient toujours à la perspective de la délivrance future lorsque Christ apparaîtra. Constamment, il cherche à stimuler la consécration des croyants en leur rappelant la solennité des temps. Ainsi, chapitre 4, versets 7 à 8. « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Et si Pierre exhorte les croyants à la vigilance, à la prière et à l'amour fraternel, il le fait avec beaucoup d'humilité. Non pas comme un supérieur imposant son avis à des subordonnés, encore moins en souverain pontife comme on le lui a injustement imputé. Il s'identifie à ses frères bien-aimés, chapitre 2, verset 11, chapitre 4, verset 12. Il est ancien avec les autres anciens, chapitre 5, verset 1. Il veut qu'ils soient tous des modèles pour le troupeau, chapitre 5, verset 3. Et il attend avec eux le souverain berger qui bientôt paraîtra, chapitre 5, verset 4. Enfin, il parle de Sylvain comme de son frère bien-aimé et de Marc comme de son fils. Ces appellations en disent long sur la considération que Pierre avait pour ses aides. Pour terminer ce bref exposé, j'aimerais relever l'une des paroles d'encouragement que l'apôtre adresse aux Juifs chrétiens d'Asie Mineure, chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ce verset met en évidence quatre étapes de l'œuvre de Dieu en nous et pour nous. Grâce, souffrance, affermissement, gloire éternelle. Le Dieu de toute grâce nous appelle en Jésus-Christ, nous sauve et nous destine à sa gloire. Mais comment serons-nous préparés à la rencontre avec notre Seigneur bien-aimé? Comment découvrirons-nous que Jésus-Christ vaut mieux que tout et qu'il peut, lui seul, satisfaire à nos aspirations en remplissant notre cœur d'un bonheur vrai? Peut-être faudra-t-il l'épreuve, la souffrance, la maladie, le deuil, la persécution même. L'apôtre invite les croyants à considérer leurs afflictions comme permises par celui qui est en train de les affermir. Pesons bien ces mots. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi vous devez passer par un chemin de souffrance. On a dit qu'il faut que la fourmi soit renversée sur son dos pour qu'elle prenne une fois le temps de regarder le ciel. En effet, elle est toujours tant affairée que jamais elle ne regarde en haut. Et pour nous, que de préoccupations et d'activités nous absorbent, au point de ne plus avoir le temps de regarder en haut vers Dieu pour le prier. Eh bien, il nous faut parfois l'épreuve, cette épreuve qui est permise pour l'affermissement de notre foi. Elle fera de nous des chrétiens forts, fermes devant les tentations, inébranlables devant les attaques de l'adversaire ou les séductions de l'erreur. Dans l'Église chrétienne, il y a beaucoup de personnes versatiles, vulnérables, influençables à tous les courants d'idées. En contraste, qu'il est bienfaisant de rencontrer quelqu'un de stable, quelqu'un en qui l'on peut se confier, quelqu'un sur qui l'on peut compter, que dis-je, quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Alors, devenons inébranlables en acceptant le moyen permis par Dieu pour y parvenir. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous encourage tout à nouveau par la lecture de cette première épître de Pierre.